À mon père, de Théodore de Banville, enregistré pour LibriVox.org. Ô mon père, soldat obscur, âme angélique, juste qui vois le mal d'un œil mélancolique, sois béni. Je te dois ma haine et mon mépris pour tous les vils trésors dont le monde est épris. Oh, tandis que je vais fouillant l'ombre éternelle, si la muse une fois me touchait de son aile, si ses mains avaient pris plaisir à marier sur mon front orgueilleux la rose et le laurier, par lesquels le poète est souvent plus qu'un homme, comme je tomberais à tes genoux, et comme je ne serais jaloux de personne et de rien, si tu disais, mon fils, je suis content, c'est bien. Car ce cœur fier que rien de bas ne peut séduire, ô père, est bien à toi, qui toujours a fait luire devant moi, comme un triple et merveilleux flambeau, l'ardeur du bien, l'espoir du vrai, l'amour du beau. Février 1846. Fin du poème. Enregistré par Christiane Johan. Cet enregistrement fait partie du domaine public.